veut que l'homme que tu aimes te protège et s'occupe de toi. Tu veux que ce guerrier avec son armure étincelante te construise une forteresse dans laquelle tu te réfugies afin de ne plus avoir peur, de te sentir seul et dévasté. C'est vraiment cela que tu veux? Oui. Импульсы твоего взгляда. Я запомню, как ближе подходишь. И это просто начало. Я войду в твое сознание медленно, точно. Ты найдешь мои желания.